Thank you. We'll be right back. No guitars, no straws, no leather, no foil. Merci à Yuri qu'on retrouvera le mois prochain sur les ondes de Galaxy pour ce mix en tout cas très sympathique. Et comme chaque jeudi soir, eh bien, on va se régaler avec DJ Ice. Ice que vous pourrez retrouver, je sais que vous le réclamez à l'extérieur, eh bien vous pourrez le retrouver le samedi 3 février, donc très très prochainement. Ça se passera à l'Hystérique, un club basé sur Valenciennes. Il sera en compagnie de Matex, donc Matex et Ice. Ça se passera le samedi 3 février à l'Hystérique à Valenciennes.